Les dépravés, chapitre 8. Quand Maximilien rentra, vers minuit et demi, il trouva son père debout et qui attendait dans le même habit noir qu'il portait au dîner des Mathusem. Le docteur n'avait même pas songé à retirer son chapeau. Mais il ne laissa pas à son fils le temps moral de s'étonner de cette veille prolongée. Il le saisit entre ses deux bras, l'attira sur son cœur et lui dit de l'accent le plus pénétrant « Max, aimes-tu réellement ton père ?»« Moi, papa, si je t'aime !»« Mais oui, je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. »« Voyons, tu pleures ?»« Ah ça, est-ce que tu deviens fou ?»« Eh bien, puisque tu m'aimes, comme je le crois, comme j'en suis sûr, tu n'as qu'un moyen de me le prouver, c'est d'épouser Mademoiselle Mathusem. » Ce n'était pas là une proposition, c'était un éclat d'obus. Comment ? S'écria Maximilien. La demoiselle de ce soir ? Je sais tout ce que tu vas m'objecter, reprit Ouzelot. Tout ce que tu peux me dire, je me le suis déjà dit 100 fois. Elle n'est pas jolie, sa dot est insignifiante, ses façons te déplaisent. Ce que je te demande n'est donc pas un mariage d'amour. Pas même de convenance, c'est un mariage de dévouement. Tu me récites un conte des mille et une nuits. Explique-toi, c'est de la démence. Où espères-tu en venir ? C'est de la démence, si tu veux. Mais si tu consens à épouser Mademoiselle Mathusem, tu me rendras bien heureux, mon cher enfant. Écoute, papa, j'ignore d'où sort cette lubie. Exige de moi quoi que ce soit, que je me fasse photographe, que je m'engage dans les turcos. Mais la fille Mathusem, jamais. Elle est hors concours. Max, si je te prouvais que ce mariage me mène à tout, que si tu t'y résignes, je serai député aux élections prochaines, bientôt ministre peut-être, qu'au contraire, si tu t'y refuses, je retombe plus bas que je n'ai jamais été. Cette supposition ne peut avoir aucun sens. Et même en admettant qu'elle en eût un, je te prouverai à mon tour que tandis que tu resterais ministre 3 mois, je serai, moi, jusqu'à la fin de mes jours, le regent de l'élégant Mathusem. Ton ambition me coûterait cher, tu l'avoueras. Eh bien, après tout, quand je serai ambitieux, répliqua le docteur, consentant à éclairer un des côtés de la question pour mieux cacher l'autre. Ce n'est là qu'une faiblesse, je t'en ai passé bien d'autres, puisque tu tiens à tout savoir. Oui, là, je suis ambitieux, je le suis, au-delà de tout. Es-tu content ? Et c'est ce personnage visqueux qui a le pouvoir de faire échouer ta candidature ? Il en a le pouvoir. Alors on me tendait un piège. Ces visites prolongées, cette invitation à dîner, cette rêverie au piano étaient réglées dans le but en question. Malheureusement, le coup est manqué. Le docteur Ouzelot porta la main à son front comme pour s'arracher les cheveux. Tu me prends pour un ennemi, dit-il. Comme si je n'étais pas disposé à payer ton sacrifice le prix que tu aurais fixé toi-même. J'ai actuellement 40 000 livres de rente. Je t'en aurais donné sur le champ 20 000. Ce n'est pas la fortune qui m'inquiète, c'est la femme. Hé, imbécile, qui t'empêcherait de la tromper avec ton argent ? Fit Ouzelot, décidé à plaider toutes les atténuations. Celle que je ne veux pas tromper, c'est une jeune fille que j'aime depuis 5 mois déjà et dont la beauté serait passablement surprise de se voir préférer Mademoiselle Leocadie. Et elle t'aime aussi, ta jeune fille ? J'ai lieu de le croire. Elle est ta maîtresse ? Mais oui. En ce cas, tu la quitteras pour 2 mois, le temps d'aller avec ta femme faire un voyage en Italie, et tu la reprendras à ton retour. Merci. Une femme dont on reste éloigné de moi, on la retrouve dans un joli état. Elle t'attendra, s'il est vrai qu'elle t'aime. Si elle m'aime assez pour m'attendre, elle m'aimera trop pour accepter de me partager avec une autre. C'est donc une Montmorency, ta châtelaine ? Pas précisément, c'est une fleuriste. Alors elle ne t'attendra pas. Ah, tu donnes dans les fleuristes. Mieux vaut, comme je disais, fabriquer des fleurs que falsifier des légumes comme les Mathusem. Ouzelot s'aperçut que toutes les concessions auxquelles il souscrivait d'avance et les ouvertures peu dignes que lui suggérait la nécessité de réussir dans sa négociation le diminuaient aux yeux de son fils sans faire avancer la question d'un centimètre. C'est bien, Max, dit-il enfin. Je n'ai ni l'envie ni le pouvoir de te violenter. Je ne te demande plus rien. J'écrirai demain à mon comité pour lui annoncer mon désistement. Trop heureux si, d'ici à 8 jours, notre nom n'est pas traîné dans les journaux. Tu verras bien ce que ton refus me coûte. Bonne nuit, Max. Ouzelot entra dans sa chambre à coucher, laissant son fils stupéfait et se demandant par quel enchaînement de circonstances fantastiques son père en était arrivé à lui imposer une Léocadie Mathusem. Et il y a là autre chose qu'une fantaisie, se dit-il. S'il ne me l'a pas révélé, c'est que le mystère dépasse la mesure des aveux permis. Que signifie cette menace? Tu verras bientôt ce que ton refus me coûte, pourvu qu'il ne se laisse pas aller à quelque extravagance. Il appuya son oreille contre la porte qui séparait la pièce où couchait Ouzelot de son cabinet de consultation. Son père ne songeait pas à se mettre au lit, car on entendait ses bottes crier sur le parquet. Max eut l'idée de regarder par le trou de la serrure. Il vit celui qu'il côtoyait depuis 20 ans, sans avoir jamais eu à subir de son humeur facile un reproche sérieux ou une observation malveillante. Celui qui répondait à ses demandes d'argent en lui donnant les clés de ses tiroirs. Qui, la première fois que son fils avait échoué à son baccalauréat sciences, avait accueilli l'annonce de cette défaite par cette consolation si profondément paternelle. C'est déjà un beau fleuron à ta couronne que de t'être présenté. Celui qui riait de tout, admettait tout, absolvait tout, il le vit, essuyant avec son mouchoir de grosses larmes qu'il semblait vouloir forcer à rentrer sous ses paupières, mais qui s'en échappaient malgré lui. Max ne put y tenir. À certaines heures et devant certaines situations, l'homme redevient un enfant de 4 ans. Le fils du docteur Ouzelot fut pris d'une envie irrésistible de sauter au cou de son père. Il tourna le bouton de la porte et se jeta dans les bras du docteur en criant. Papa, papa, que se passe-t-il ici à la fin? Il faut que je le sache. Entends-tu bien? Il le faut. J'espérais pouvoir te le cacher, Max, dit Ouzelot en l'étreignant. Mais puisqu'il ne te suffit pas de t'entendre dire que tu tiens entre tes mains ma vie et mon honneur, et puisque tu me réduis à rougir devant toi, je vais t'expliquer. Non, garde ton secret, fit Max, en lui appliquant la main sur la bouche pour arrêter l'aveu au passage. Ce mariage me désespère. Mais il faut que tu aies, pour me l'imposer, des raisons terriblement concluantes. D'ailleurs, il m'est impossible de te voir malheureux. Fais de moi ce que tu voudras. Le docteur Ouzelot se tint à quatre pour ne pas se précipiter aux genoux de son fils. Son édifice se recouronnait d'un coup de baguette. L'échafaudage électoral, qu'il avait vu s'affaisser et se disjoindre, reprenait toute sa solidité. Cependant, il avait besoin de garanties. Aussi se hâta-t-il d'engager et de compromettre la parole de Maximilien par les marques d'une reconnaissance enthousiaste. Mon fils bien-aimé, fit-il en plongeant, avec une attitude un peu théâtrale, ses yeux dans ceux du jeune homme. Tu peux dire qu'aujourd'hui tu as sauvé ton père. Je vais donc pouvoir dormir. Et il y a si longtemps que je n'ai fermé l'œil. Cette fois, c'est Max qui ne dormit pas. À 7 heures, il était déjà prêt à sortir. Son père était déjà parti pour aller conclure avec Mathusem. Il ne nourrissait plus contre lui la moindre rancune. Loin de là, il commençait à éprouver pour l'entrepreneur, comme de la sympathie. Il trouvait à sa fille l'air digne et à Elvire une bonne figure. L'envie de parvenir transporte des montagnes. En apprenant le résultat final de ce qu'il appelait dans son langage la grande entreprise, Mathusem, qui n'aimait à rien perdre, faillit pourtant perdre contenance. Léocadie exultait. Elle attribua son triomphe à la fascination exercée sur Maximilien par sa rêverie de Roselaine et surtout par son corsage à bretelles. Elle se jura, dans le silence du cabinet de toilette, de n'en plus porter d'autres jusqu'à l'âge de 49 ans. Maximilien courut chez Geneviève, dont le calme l'irrita. Il aurait aimé qu'elle lui fît une scène. Il en eût profité pour la quitter ce jour-là ou pour sacrifier Léocadie sur l'autel du raccommodement. Si elle avait connu l'art de provoquer le moindre parallèle entre elle et sa rivale, le fils du docteur eût déserté toutes les promesses de la veille. Mais, confiante comme la loyauté, elle attendait tout de son amour, et rien de ses autres séductions. Elle ignorait qu'elle eût une adversaire en face d'elle, et l'eût-elle su, ce n'est certes pas sur des coquetteries qu'elle eût songé à la combattre. Max, ne fût-ce que par curiosité, avait résolu de tâter le terrain, mais l'innocence de Geneviève avait des milliers de lieues à franchir avant de toucher aux soupçons. Toutes les insinuations, les possibilités, les hypothèses émises intentionnellement par le jeune homme la laissèrent placide et souriante. « Mon père a parfaitement raison, se dit-il. Il est inutile de lui annoncer que je la quitte. D'abord, je n'en aurai jamais le courage. » Je puis simplement prétexter un voyage de 2 mois. Si pendant la lune de miel j'acquiers la conviction que je ne peux pas me passer de Geneviève et qu'elle ne peut pas se passer de moi, à ma rentrée, je renoue et rien n'est changé en France. Il n'y a qu'une femme légitime de plus. Si, au contraire, l'absence qui détruit l'amour quand elle ne l'augmente pas à l'impertinence d'entamer le nôtre, nous ne nous revoyons plus que dans un monde meilleur. Ce projet de conciliation n'était guère plus flatteur pour la maîtresse qu'il allait laisser que pour l'épouse qui allait prendre. Mais il avait besoin d'une solution pour une situation insoluble, et il se montrait facile sur l'adoption des théories. « Faim fait macaque, manger piment », dit un proverbe nègre. Le docteur aurait voulu couvrir Max d'or et de pierreries afin de l'abuser sur l'étendue de sa misère. Il explora les petites affiches jusqu'à ce qu'il y vit annoncer la cage qu'il rêvait pour les 2 prisonniers destinés à la même chaîne. C'était un petit hôtel situé aux Champs-Élysées, rue Bayard, et en l'honneur duquel il s'était juré de pousser jusqu'à 200 000 francs. Il y mena son fils, qui ne resta pas insensible aux enjoliveurs de la façade et aux moulures des plafonds. Il y mena Léocadie, qui faillit s'évanouir. Elle était sortie des porte-monnaies, des queues de boutons et des os grasses de monsieur son père pour entrer dans une couche sociale insoupçonnée. Elle apportait, dans ses promenades à travers des régions nouvelles, une ignorance et une perpétuité d'étonnement qui lui donnaient quelque charme. Elle ne commandait plus. Elle s'inclinait. Elle était presque bien. Ouzelot fut quitté de son hôtel pour 180 000 francs, payable en 4 ans. Il ne s'agissait plus que de le meubler. On eut des conférences solennelles avec les principaux tapissiers de Paris et au choix des couleurs, comme à celui des étoffes, le père de Maximilien vit tout de suite qu'il n'en sortirait pas à moins de 60 nouveaux 1000 francs. Mais quand la candidature est tirée, il faut la boire. C'est alors que le célèbre Chambrelan, médaillé pour ses exploits mobilières, à 3 expositions consécutives, écrivit cette lettre mémorable. 2 août 1865. Monsieur le directeur, consulté hier par monsieur votre fils et celle que vous appellerez bientôt votre fille, sous la couleur et l'agencement du salon de leur hôtel, je leur ai respectueusement soumis mes vues et idées qui ont été acceptées et n'attendent plus que votre sanction pour passer dans le domaine des faits. Voici le résultat de mes recherches. Salon complet en brocatelle nacara, composé de 8 chaises pouf et de 4 fauteuils dits crinolines. Comme pièce du milieu, un confident à 2 faces de même étoffe et de même couleur, avec dossier à rampe et capitonné. Les franges du tout seraient de soie à gros grains et les courtisanes dans le style Pompadour. Sa Majesté l'impératrice, dont le goût fait autorité en Europe, a daigné nous commander un meuble identiquement pareil, qui orne aujourd'hui les appartements particuliers du palais de Saint-Cloud. Vous jugerez comme moi, monsieur le docteur, que pour un jeune ménage, la question de l'ameublement est capitale. Amasser chez soi les agréments qu'on chercherait vainement ailleurs, c'est pour le mari le moyen d'aimer son intérieur, pour la femme c'est l'art de le faire respecter. C'est à peine si le salon dont j'ai l'honneur de vous proposer le modèle reviendrait à 12 000 francs. Veuillez agréer, monsieur le docteur, en attendant l'honneur de vous compter parmi mes clients, l'hommage de mon respectueux dévouement. Chambrelan, Eugène, neveu et successeur de Chambrelan, Paul. Tiens, dit Ouzelot, entendant cette proclamation, Maximilien, vois donc ce que me veut ce tapissier avec ses courtisanes Pompadour. Je ne comprends pas un traître mot à toutes ces formules. Maximilien prit la lettre qu'il mit négligemment dans la poche de son gilet. Le lendemain, il passa chez Geneviève, que la rareté de ses visites, de plus en plus écourtées, commençait à surprendre. Il rejeta ses préoccupations, ses absences, sur l'état de santé de son père, que le médecin supposait atteint d'une phtisie laryngée. Il parla de lui faire changer d'air. Il expliquait la fatigue continuelle qu'il venait offrir à son ami par les nuits récemment passées au chevet du docteur. La vérité est que, depuis 15 jours, le fiancé de Léocadie Mathusem ne cessait de courir, d'acheter, de monter des escaliers ou d'en descendre, et qu'il était exténué. Le mariage qui, à Paris, s'improvise les 3/4 du temps, ressemble moins à une affaire de cœur qu'à une entreprise de commission et d'exportation. S'il faut des époux assortis, il en faut aussi des assortiments. Et le docteur avait trouvé ingénieux d'empêtrer son fils de la masse des livraisons et des commandes, de façon à ce que l'enchevêtrement des détails ne lui laissât guère le loisir de s'interroger sur la gravité du fond. Max était donc littéralement rompu. Et les heures qu'il marchandait à Geneviève, il s'arrangeait encore pour les passer étendus sur le lit où il dormait d'un sommeil de plomb. Ce jour-là, il avait passé sa matinée au milieu des arrivages et la sieste qu'il avait commencée vers midi chez Geneviève durait encore à 3 heures. À peine s'était-il décidé à se réveiller que tous les rendez-vous du jour lui revinrent en mémoire. Il parut s'indigner contre lui-même d'avoir laissé si longtemps tout seul son père valétudinaire, embrassa précipitamment Geneviève, prit son chapeau et partit. C'est à ce moment qu'en remettant le lit en ordre, la pauvre fille trouva froissée dans les couvertures la lettre du tapissier, laquelle était tombée du gousset pendant l'assoupissement de Max. Elle ne poussa pas un cri. Elle n'eut pas une imprécation. L'habitude du travail assidu et de la vie solitaire est contraire aux explosions. Geneviève tomba comme une masse, assise sur le lit, qu'elle laissa inachevée. Quand elle reprit le cours de ses idées, il faisait nuit noire. Elle se leva, frotta une allumette et l'approcha tout enflammée de la pendule. Il était 2 heures du matin. Elle lut et relut la lettre, qui était ridicule, mais qui était claire. Voilà pourquoi il ne m'a pas, comme à l'ordinaire, mené au théâtre samedi dernier, pensa-t-elle. Il avait peur d'être rencontré avec moi. Cependant, une erreur était possible. Elle attendit, la tête dans les mains, que le soleil fût assez haut sur l'horizon pour qu'elle pût décemment se rendre chez le tapissier dont l'adresse, inscrite au fronton de la lettre, s'enroulait en guirlande autour des médailles conquises à la pointe de ses capitaux. Elle se présenta comme une ouvrière de la maison Bachelard, chargée de fournir les fleurs de la toilette de noces destinée à la fiancée de M. Maximilien Ouzelot. Elle dit être allée au domicile de la jeune personne où on lui avait répondu que toute la famille était partie pour aller chez M. Chambrelan compléter l'ameublement d'un hôtel. Elle était donc entrée dans l'espoir de rencontrer la future Madame Ouzelot et lui demander son jour et son heure pour qu'on vînt lui essayer sa couronne. Geneviève, qui avait ouvert la porte du magasin de la maison Chambrelan, sans avoir le moins du monde préparé son entrée, avait pensé à Max sous son voile et son diadème de mariée, et ce mensonge lui était venu tout naturellement. Elle obtint tous les renseignements qu'elle craignait d'obtenir. Douter plus longtemps eût été une lâcheté inutile. Il ne s'agit plus maintenant que de mourir, fut la seule pensée qui l'occupa. Et il en est quelquefois d'une résolution prise comme d'une révolution qui menace. Le plan était arrêté, décidé, convenu dans l'esprit de chacun. L'exécution en est retardée souvent jusqu'à ce qu'on ait rencontré la formule de sa réalisation. Combien de naïfs s'imaginent que sans la campagne des banquets, Louis-Philippe serait encore sur le trône? Combien d'autres racontent à leurs enfants que le coup de pistolet du boulevard des Capucines a perdu la monarchie? Les banquets de 1848 et le coup de pistolet qui les a suivis n'ont été que des formules, comme 59 ans plus tôt, le serment du jeu de pommes et la prise de la Bastille n'avaient été que le modus faciendi d'une rénovation inévitable. Geneviève, se sentant incapable de survivre à l'abandon de Maximilien, n'attendait plus que l'occasion, fût-il peut-être, le fait probablement insignifiant qui déterminerait la catastrophe. Elle attendit plusieurs jours encore. Elle voyait le fil de ses amours s'amincir d'heure en heure sous les faux fuyants et les réticences de Max. En lui annonçant officiellement son départ, en lui laissant comme denier à Dieu ses 2 000 francs qu'il avait demandé le matin même à son père, il avait coupé le dernier fibril qu'il attachait à sa maîtresse. C'était pour elle un maximum de désespoir qui ne pouvait plus être dépassé. Le mot « amuse-toi bien », jeté presque involontairement par Max, qui fuyait, avait été pour elle le coup de pistolet du boulevard des Capucines, et la catastrophe avait eu lieu.